Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses prier pour toi-même. Que Dieu t'accorde un message ce matin. Que Dieu te parle ce matin. Ou est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Prie pour que Dieu puisse toucher ton cœur ce matin. Pour que sa parole puisse te délivrer, amener la joie dans ton cœur, amener la paix, amener cette joie que tu cherches tant. Oh, prie ce matin. Prie ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Oh, lève ta voix, continue toujours à prier. Remercie ton Dieu pour le fait qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux te tenir ici, dire que tu es chrétien. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu ce matin. Seigneur, nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Ce matin, alors que nous tenons ici, nous sommes vraiment reconnaissants pour ton amour envers nous. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Viens par ton Saint-Esprit ce matin nous parler, toucher les cœurs, délivrer les gens qui sont toujours dans la captivité, Seigneur Dieu. Merci parce que nous savons que tu es ici présent. Viens manifester ta présence parmi nous ce matin et que la seule gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis bonne fête de Pâques à quelqu'un ce matin et asseyons-nous dans la présence de Dieu. Au moins à 5 personnes, dis bonne fête de Pâques. Au moins à 5 personnes avant de t'asseoir. Alléluia. Amen. Au nom de notre cher évêque, l'évêque Dagibald Mears et notre pasteur principal, Issa Simon Pierre, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques également. Amen. La semaine passée, je n'étais pas là, mais j'ai beaucoup enjoyé le message. Et je pense que nous avons des dons cachés dans la maison. Et je prie pour voyager aussi souvent. Je crois que j'allais encore voyager hier. Alléluia. Amen. Merci beaucoup Aurélie pour ton grand amour. Amen. Qui était au Vendredi Saint, au service du Vendredi Saint? Qui était là? Ok, qui n'était pas là d'abord? Qui n'était pas là? Oh, j'avais demandé qui était. Ok, qui n'était pas là? Dites la vérité. Ok. Vous étiez occupé. Vous étiez où? Vous étiez où? Il n'y avait pas d'école. Au travail, oui. Vous étiez où? Merveille, tu étais où? Tu dormais. Alléluia. Je pense que vous avez raté quelque chose de très grand. Nous avons passé de très bons moments. Et on était surpris de voir le président du Ghana qui était venu. Et c'était des moments vraiment inoubliables. Qui a une fois vu le président du Ghana? À la télé. Non, je parle de le voir en personne, pas en télé. Amen. Et je pense que Bishop a prêché un message très important le jour-là. Et c'est un message que j'aimerais un peu beaucoup d'entre vous puissiez réécouter. Alléluia. Et c'est un message qui va beaucoup vous aider dans la vie. Amen. Ce matin, j'ai juste quelques mots à partager avec vous. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, donc je ne vais pas continuer le message sur les talents. La semaine prochaine, nous allons parler des talents. Mais ce matin, je veux parler de la résurrection de Christ. Et le titre de mon message, c'est « Et si Jésus n'était pas ressuscité ?» Alléluia. « Et si Jésus n'était pas ressuscité ?» Ouais, il y a... Pour pouvoir apprécier quelque chose, ce que tu as, il faut juste essayer de voir si tu ne l'avais pas. Beaucoup d'entre vous, vous dites que vous n'avez pas un bon téléphone. Votre téléphone est un Yamphone. Votre téléphone n'est pas comme, comment appelle-t-on, iPhone 6. Le 7 est sorti? Pas encore. Le 6S, En fait, le jour où tu vas perdre ton téléphone, tu sauras que ton téléphone est très important. Alléluia. Le jour, il y a certaines personnes, vous n'appréciez pas vos amis. Vous dites que oh, cet ami me fatigue. Le jour où tu vas perdre cet ami, tu verras que il y a quelque chose qui me manque. Alléluia. Certaines personnes disent que oh, ma femme me fatigue, mon mari me fatigue. Imagine un peu le jour où tu seras là sans ta femme ou bien sans ton mari. Tu verras que c'est, il y avait Dieu m'avait béni avec quelqu'un de spécial. Alléluia. Et pourquoi je dis cela? Je me dis que si je n'étais pas marié à ma femme, si je ne l'avais pas choisi, aujourd'hui elle devait être comme beaucoup d'entre vous les sœurs. Yeah. Parce que beaucoup d'entre vous ne travaillent pas. Donc, j'imagine la personne qui va la marier parmi vous. Donc, elle devait être ici, célibataire, en train de regarder si un frère viendra, malgré sa beauté et puis le reste. Yeah. Donc, normalement, à la fin de chaque culte, ou bien à la fin de chaque mois, elle devait vraiment venir vers moi pour me donner une offrande. Alléluia! Parce que je l'ai choisi. Et si elle aussi n'avait pas dit oui, je devais être également comme beaucoup de frères, comme Achille aujourd'hui. Yeah. Dès qu'il y a une nouvelle soeur qui vient adorer Dieu devant, il regarde si elle peut être une potentielle. Yeah. Vous allez apprécier plus la chose lorsque vous pensez à son contraire. Vous voyez que si je n'avais pas cette chose-là, comment serait ma vie? Yeah. Comment serait ma vie si je n'avais pas mes parents? Pourquoi beaucoup d'entre vous devez apprécier vos parents? Vous appelez vos parents des sorciers. Mais si vos parents n'étaient pas venus ensemble pour faire quelque chose et mettre au monde quelqu'un comme toi, tu ne devais pas être ici. Certaines personnes, vous dites que non, mes parents ne m'aiment pas. Pourquoi ils m'ont amené au Ghana? Mais parce qu'ils ont amené au Ghana, vous avez aujourd'hui Christ. Alléluia. Votre vie est totalement changée aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est la même chose que je voudrais dire ce matin. Si Jésus n'était pas ressuscité, quelle sera notre vie? Si Jésus avait pensé à lui-même, disant que, oh, cette souffrance-là, c'est une souffrance c'est trop. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Chinese Jesus. Le Jésus chinois. Yeah. Jésus chinois, lorsqu'on l'avait mis sur la croix et que les gens se moquaient de lui. Parce que dans le film, Jésus était chinois, tout le monde était chinois dans le film. Et lorsque Jésus était sur la croix, les gens se moquaient de lui. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Il insultait. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et le Jésus chinois disait, c'est à moi, vous savez à qui vous parlez? Vous savez à qui vous parlez? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Une fois il a parlé, deux fois il a parlé, la troisième fois il s'est fâché. Yeah. Et étant sur la croix, il a enlevé la première main. Deuxième main, il a enlevé le clou au niveau des pieds. Et il est descendu pour les bastonner. Ça, c'est le Jésus chinois. Pour les bastonner. Et après, ils l'ont encore attrapé. Et ils l'ont remis sur la croix. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'histoire de Jésus. Jésus avait accepté qu'on le crucifie sur la croix. Mais et s'il n'avait pas accepté mourir? Et s'il n'était pas, après ça, mais s'il n'était pas ressuscité? Alléluia. Donc, je vais vous donner au moins 3 points ce matin. Pour vous faire apprécier ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Qui est prêt à savoir ces 3 points ce matin? Alléluia. Dieu nous a beaucoup aimés. Si Jésus n'était pas ressuscité. La première chose, c'est que nous n'aurons pas la vie éternelle si Jésus n'était pas ressuscité. Nous n'aurons pas la vie éternelle. Il n'y aura pas de salut. Si vous prenez la Bible dans Jean 3, le verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, il dort. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde Au bout d'un moment, ça va se verser. Ok, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Oh, verset 17. Ok, il me semble qu'il a ajouté les deux versets. Ah, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde, mais seulement le verset 17. Ne mélange pas les deux versets. Les gens sont embrouillés. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir sur la croix, si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne devons pas être sauvés aujourd'hui. Nous devons normalement vivre dans la mort éternelle. Parce que Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il avait vaincu la mort. La mort du péché. Si je te posais la question ce matin, qui ici mérite la vie éternelle? Qui ici mérite? Qui ici n'a jamais menti? Ok, qui ici a une fois menti? Au moins une fois dans sa vie. Une fois. Yeah, Alain n'a jamais menti. Ah, ok. Ah, il a levé sa main. Yeah. Qui ici n'a jamais forniqué? Farrell, hein? Ah, ok. Oh, Farrell ne se sent pas bien. Il est présentement à l'hôpital, donc priez pour lui. Yeah. Qui ici n'a jamais forniqué? Qui ici a une fois forniqué? Selon la définition de Jésus, certaines personnes devaient même lever vos pieds. Parce que vous avez tellement fait. Yeah. Alléluia. Et ces personnes, vous vous dites que vous méritez la vie éternelle. Non, vous ne méritez pas la vie éternelle. Parce que Jésus a décidé de venir sur la terre. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsque tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr. Et pourquoi lorsque tu crois en Jésus, tu ne vas pas payer? Parce que Jésus a accepté de venir mourir sur la croix, verser son sang pour que toi, tu sois sauvé. Et si Jésus n'était pas ressuscité, vous allez voir que beaucoup, dans tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est juste la façade. Nous sommes en train juste de nous enjoy. On viendra seulement les dimanches, on se regarde. Mais Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Parce que c'est la mort éternelle qui nous attend. Alléluia. Amen. La deuxième chose, si Jésus n'était pas ressuscité, demande à ton frère, et si Jésus n'était pas ressuscité, tu devais être où ce matin? Si je n'étais pas ressuscité, ne devons pas avoir la victoire sur les ténèbres, sur les démons. Alléluia. Sur le diable, ne devons pas avoir la victoire sur le diable. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la Bible dans Luc 10? J'ai bientôt fini de prêcher. Hein? Donc, ceux qui veulent dormir, vous allez dormir après. Amen. Il n'y aura pas de victoire. Dans Luc 10, le verset 17 au verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Amen. Verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne devons pas avoir la victoire sur l'ennemi. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous avez peur d'aller dans vos villages. Mais je vous dis que vous pouvez partir au village, boire l'eau qu'il vous donne. Rien ne vous arrivera. Parce que vous avez un Dieu qui est vivant. Jésus a vaincu. Vous ne croyez pas? Très peu de personnes disent amen parce qu'ils ont peur de partir au village. Yeah. Alléluia. Nous avons la victoire sur le diable, sur l'ennemi, sur Satan. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez pas avoir peur. Lorsqu'on vous demande, lorsque quelqu'un vient faire, comment appelle-t-on, ces incantations, tout ça, vous ne devez même pas avoir peur. Un jour, il y avait eu un problème dans un hostel. Et Ils ont vu qu'ils ont volé le portable d'un frère, un frère béninois dans l'hostel. Et il s'est fâché. Et il est parti mettre des poudres au visage. Il a mis la poudre, il a commencé à faire des incantations dans l'hostel. Après quelques minutes, il a retrouvé son portable. Et après, lui-même disait qu'il n'avait rien du tout. Mais parce qu'il venait du Bénin, les gens avaient peur de lui. Il avait peur de mourir. Alléluia. Amen. Et je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez la puissance sur les ténèbres. Amen. Vous avez la puissance sur le diable. Aucune maladie ne doit pas avoir la puissance sur vous. Alléluia. Yeah. Certains parents, vous ne voulez plus rentrer chez vous parce que vous avez peur des initiés. Ils ne peuvent pas vous initier. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Parce que vous êtes rachetés par Jésus-Christ. Amen. Parce que vous êtes... Si Jésus n'était pas ressuscité, vous allez voir que vous ne pouvez même pas faire la délivrance de quelqu'un. Si vous écoutez encore bien le message que Bishop avait prêché le vendredi, il parlait des manifestations, ce que le diable fait. Yeah. Certaines personnes ici, vous continuez toujours de forniquer parce qu'il y a un démon dans votre vie. Alléluia. Yeah. Certaines personnes, vous continuez toujours de faire certaines choses parce que vous êtes sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Mais si vous croyez que Jésus est réellement ressuscité, Jésus est réellement ressuscité, vous ne devez pas être à ce niveau-là. Alléluia. Vous devez être totalement délivré. Amen. Nous portons le blanc ce matin parce que nous sommes dans la joie, que nous sommes sauvés. Et je suis en train de vous parler de si Jésus n'était pas ressuscité, si seulement il n'était pas, il n'avait pensé seulement à lui. Il y a un film que j'avais suivi, je ne sais pas, j'avais 17 ans, et ils ont fait, dans le film, Jésus était marié, avait ses enfants, et j'avais beaucoup critiqué le film-là, et un jour je parle avec quelqu'un, la personne me dit, mais tu n'as pas bien suivi ce film. Le film est en train de dire que si Jésus avait pensé seulement à lui-même, lorsqu'il il devait partir sur la croix, c'était ce qui devait arriver à Jésus. Yeah. Il devait être marié, avoir ses enfants, chercher un travail, être le meilleur charpentier. Yeah. Jésus n'allait même pas. Aujourd'hui, vous devez être toujours en train de souffrir sous l'emprise du diable. Yeah. La parole de Dieu n'aurait même pas d'effet sur vous si Jésus avait seulement pensé à lui-même. Parce qu'il n'avait rien fait. Les gens crachaient sur lui. Il n'avait rien fait. On l'a cloué sur la croix. Il n'avait rien fait. Et c'est un film qui a été critiqué. Et je me disais que, sincèrement, je n'avais pas bien suivi le film-là. Je le cherche juste aujourd'hui, mais je ne trouve pas. Je ne sais pas qui connaît le titre. Après, pour me dire ça. Qui a une fois suivi ce film dont je parle? Ok, d'accord. Jésus était descendu. Il était comment appelle-t-on, marié. Il avait des enfants, de beaux enfants. Yeah. Alléluia. Mais la réalité, c'est que Jésus n'a pas fait cela. Jésus a décidé de mourir sur la croix pour toi. Jésus a décidé de mourir sur la croix pour que toi, tu sois sauvé. Et si tu devais être la seule personne sur cette terre, il devait venir mourir pour toi. Si tu devais être la seule personne pour qui il devait venir souffrir les insultes des gens, il devait venir le faire. Parce que Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Et ce matin, je me demande, qu'est-ce que nous faisons de cet amour de Dieu? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Nous sommes en blanc. Certains sont en noir, mais vous êtes aussi en blanc. Yeah. Parce que nous sommes tous... Ce n'est pas l'habit qui montre que vous êtes en blanc. Alléluia. Le sang de Jésus nous a lavés. Et ils sont tous en blanc ce matin. Alléluia. Et mon dernier point ce matin. Alléluia. Le troisième point. Ne serions pas une nouvelle créature. Alléluia. Il n'y aurait pas d'espoir pour nous. Nous serions sans espoir. Lorsque vous lisez la Bible dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Ce matin, je me demande si Jésus n'était pas ressuscité. Quelle devait être ta vie ce matin? Si tu n'avais pas accepté Jésus dans ta vie, quelle devait être ta vie ce matin? Beaucoup d'entre vous, vous allez voir que vous devez continuer toujours dans la vie que vous étiez en train de mener. Et je veux vous dire que presque 90% des gens qui sont ici sont devenus de bons chrétiens parce qu'ils sont venus dans cette église. Pas seulement parce qu'ils sont venus dans cette église, mais parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. Près de 90%, pour ne pas dire 100%. Dieu a changé notre vie. Normalement, ce matin, tu devais te réveiller du lit de quelqu'un. Tu devais être la femme de quelqu'un. Et tu devais avoir au moins 3 enfants, 4 enfants. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir sur la croix pour toi, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Aujourd'hui, lorsque les gens te voient, les gens te disent, waouh, c'est un frère qui est très... Ouais, Austin, lève-toi qui te voit. Les zonales devant la levée vont voir vous voir. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, leur visage ressemble toujours à des bandits, mais c'est pas grave. Vous les regardez, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont été totalement changées. Donc, vous regardez les gens. Des fumeurs de chambre, des nettoyeurs de go. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Oh, asseyez-vous. Jésus les a totalement changés. Et Jésus t'a également changé totalement. Parce qu'il a accepté de mourir sur la croix. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne devions pas avoir cette nouvelle naissance. Cette nouvelle créature que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes des fois cette nouvelle créature. On devient même orgueilleux de cela. On est tellement fiers de nous que nous, on ne fornique plus. On ne fait plus ceci, on ne fait plus cela. Et on critique les autres. Nous ne voulons même plus parler de cette résurrection à d'autres personnes pour que d'autres personnes soient sauvées. Jésus aime vous ressusciter. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu es maintenant quelqu'un qui a de l'espoir. Les choses iront de mal en pire. Les choses iront de mal en pire. C'est une prophétie que je suis en train de vous donner ce matin. Si tu ne savais pas, les choses iront de mal en pire. Mais parce que nous appartenons à Jésus, nous serons toujours délivrés. Alléluia. Les choses iront de mal en pire. Les choses seront difficiles. Mais Dieu va nous aider, nous qui sommes ses enfants. Tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Mais où sont les autres? Où sont les autres? Les hommes les ont oubliés. Parce que nous ne ressemblons pas à notre Seigneur Jésus. Il a décidé de mourir pour nous. De ne pas penser à lui. Certaines personnes disaient, théologiens, c'est ça? Ils disaient que Jésus même était amoureux, Jésus était amoureux de Marie. Marie, il ressentait, il avait des sentiments pour lui, pour elle plutôt, pour elle. Mais il a pensé plutôt à ce qu'il devait faire comme sacrifice. Parce qu'il savait que s'il devait être marié, le jour où il devait partir sur la croix, sa femme devait venir vers lui pour lui dire, « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as pensé à nous? Regarde à tes enfants. Est-ce que tu penses à tes enfants? » Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas servir réellement Dieu à cause de votre famille, à cause de la femme que vous allez épouser. C'est pourquoi les frères, les sœurs, s'il vous plaît, avant d'épouser quelqu'un, priez. Moi, je remercie beaucoup Dieu pour la vie de ma femme. Parce que le fait de décider de laisser tout et de venir servir Dieu, je devais normalement divorcer aujourd'hui. Tout ce que je l'ai fait endurer, les souffrances de gauche à droite, son anniversaire, mais je ne pouvais même pas leur faire un joli cadeau. Elle devait normalement dire, hey, je suis fatigué. Parce que lorsque tu étais marié, tu n'étais pas comme ça. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, alors que tu es en train de regarder à la hanche d'une sœur, ou bien à le regarder au visage d'une sœur, prie. Prie pour que cette hanche puisse rester dans la maison. prie pour que ce visage que tu vois aujourd'hui puisse toujours rester dans ta maison. Puisse t'encourager chaque matin que tu es en train de faire la meilleure des choses que tu devais faire. Que tu dois servir Dieu. Lorsque tu es fatigué, tu ne veux plus continuer. Que cette personne puisse t'encourager. Que ton mari t'encourage, que ta femme t'encourage. Alléluia. Amen. Je ne veux pas dévier mon message. Je parle toujours de Jésus qui est ressuscité. Mais la réalité, c'est que vous devez vraiment prier pour votre conjoint. Je parlais avec un jeune adolescent. Il me disait que l'une des choses les plus difficiles, c'est d'avoir un beloved. Faire le choix, chercher la personne, trouver la personne, c'est la chose la plus difficile à faire. Choisir quelqu'un, c'est très difficile. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de frères regardent. Des frères qui sont sérieux regardent, mais ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils sont dans l'embarras de choix. Peut-être ils ne sont pas aussi trop sûrs. Et si moi je disais que si je n'étais pas marié jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je devais être encore marié. Parce que beaucoup de sœurs, aujourd'hui, elles n'aiment pas se laver. Elles n'aiment pas préparer. Elles n'aiment pas prier. Il y a beaucoup de choses. Les sœurs ne me regardaient pas mal, c'est la vérité. Lorsqu'il pleut comme ça, elles s'est déjà lavées. Lorsqu'il pleut déjà, elles s'est déjà lavées. Je disais ce commentaire de... C'est la Coran, non? Quelqu'un, une soeur qui disait qu'elle n'avait pas besoin de se laver. C'est ça, c'est vrai? Elle disait qu'on avait reçu la bénédiction de Dieu. Donc, ce n'était plus la peine de se laver. La soeur était trop contente parce qu'elle ne va plus se laver. Alléluia. Amen. Je vous repose encore cette question ce matin. Et si Jésus n'était pas ressuscité? Nous devons être vraiment tristes aujourd'hui. Sans espoir. Nous serons en train de nous tromper. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serons toujours dans les ténèbres. Nous ne devons pas être dans la joie. Lorsque vous voyez les dansistes en train de danser, les dansistes sont venus encore sur les strates. Nous ne devons pas être dans la joie de savoir que nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi le message que je suis en train de prêcher ce matin, je veux juste encourager quelqu'un. Encourager quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu as de l'espoir parce que ton Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Parce que ton Sauveur n'est pas resté dans le tombeau. Parce que ton Sauveur est ressuscité. Nous avons, les gens ne disent même pas Amen, non. Ou même vous attendez que Dieu vous apporte, que je vous dis ce matin, parce que Jésus est ressuscité, vous avez une voiture. Non. Parce que Jésus est ressuscité, vous avez un bon diplôme. Non. Non, oh les frères, regardez-moi. Regardez, tous les frères regardent maintenant aux soeurs qui sont là. Non. Oh. Tu as même baissé la tête pour bien regarder. Ah. Alléluia. Yeah. Jésus est ressuscité. Yeah. Nous avons la victoire. Yeah. Nous avons la victoire. Yeah. Les ténèbres n'ont plus la victoire sur nous à partir d'aujourd'hui. Yeah. Parce que notre roi est ressuscité. Notre Sauveur ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Est-ce qu'on peut être de la joie ce matin? Parce que Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Notre Sauveur ressuscité. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait danser ce chant? On peut danser ensemble. Suite, papa. Le technicien est là. Oh. C'est ça? Oh, ok, qu'il avance. Aidez-le. Il est un peu confus. Il y a une soeur à côté de lui. Tu peux l'aider. Ouais. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin. Parce que notre Sauveur est ressuscité. Alléluia. Oh, je crois que vous allez vous lever, vous danser avec eux. Sweet papa, sweet papa, sweet papa, sweet Dieu vous bénisse. On peut pousser des cris de joie ce matin. Alléluia. Et ce matin, je sais qu'il y a des gens ici ce matin qui n'ont pas cet espoir. Pour vous asseoir juste une minute. Certaines personnes se demandent, cette joie dont vous parlez, je ne connais pas cette joie-là. Jésus, est-ce que Jésus a réellement ressuscité? Pour que je continue toujours à vivre ce que je suis en train de vivre. Est-ce que Dieu existe réellement? Pour que ma vie soit totalement dans le désordre. Mais ce matin, je veux juste te demander quelque chose. De l'accepter dans ta vie. D'accepter Jésus dans ta vie. Si tu n'étais pas sérieux avec Dieu, commence à être sérieux avec Dieu. Amen. Tu verras. Job disait, sers-le et tu seras béni. Et lui te bénira. Il te bénira. Dieu te bénira. Amen. Dieu va changer votre vie, mes frères. Les gens seront surpris de vous voir construire des maisons, avoir des biens sur cette terre et servir également Dieu. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, où serions-nous? Et à chaque fois que tu te poses cette question, tu commences à apprécier plus Jésus. Parce que toi, la petite souffrance que tu as, des fois lorsque tu as faim, tu ne peux même pas partir visiter quelqu'un. Des fois, lorsque tu as faim, tu ne peux même pas te lever même pour prier. Même te lever le matin même pour prier pour une brebis, tu ne peux pas le faire. Parce que tu penses déjà à toi. Tu passes à ton sommeil qui est très doux. Yeah. Mais Jésus l'a fait pour nous. Alléluia. Et ce matin, Dieu est en train de donner un nouveau départ à beaucoup d'entre nous ce matin. Certaines personnes, vous êtes découragés de la vie chrétienne. Je suis en train de vous dire ce matin que ne soyez pas découragés. Votre Dieu n'est pas un Dieu qui est mort. Vous avez un Dieu qui est vivant. Vous avez un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui a créé la différence. Beaucoup dans tes prophètes, les gens ont appelé les gens des prophètes. Ils sont morts. Ils ne sont pas ressuscités. Mais notre Dieu, lorsqu'il était mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et nous avons la victoire ce matin. Nous avons la victoire ce matin. Et quelqu'un qui est victorieux ne vit pas comme tu es en train de vivre ce matin. Quelqu'un qui est victorieux, quelqu'un qui sait qu'il a la victoire, qui sait qu'il a le pouvoir, ne vit pas comme tu es en train de vivre. Ce matin, j'aimerais bien qu'on puisse se lever. Nous allons prier pour nous-mêmes. Alléluia. Que Dieu nous aide à réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Tout pour moi. Je t'adore, mais je t'aime. Est-ce que tu peux commencer à prier ce matin pour ce que Dieu a fait pour nous? Tu peux dire merci à Jésus. Jésus, merci. Comme je disais ce matin, je devais normalement dire merci à ma femme d'avoir accepté m'épouser. De la même manière, Jésus a fait quelque chose de plus grand. Qu'aucun homme ne peut te faire, qu'aucune femme ne pourra te faire. Ce matin, prie. Dis merci à ton Dieu ce matin. Dis merci à ton Dieu ce matin. Et si Jésus n'avait pas voulu mourir sur la croix pour nous, où serions-nous aujourd'hui? Et ce matin, voulons te dire, Seigneur, merci. Alors que tu nous as aimés, nous t'aimons. Pardonne-nous. Pardonne d'avoir mis à côté ce que tu as fait pour nous. Nous n'avons pas considéré ton amour envers nous. On prie ce matin pour toi-même. Prie ce matin. Je veux nous réconcilier ce matin avec lui. Pour que nous devenions de nouvelles créatures. Prie ce matin. Remercie ton Dieu. Merci ton Dieu ce matin. Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Le couplet. Dieu ce matin. Je te donne toute ta gloire, oui, je t'aime. Oh, merci Dieu ce matin. Dis Seigneur, merci. Je t'adore. Merci. Je devais être drogué quelque part. Je devais être délaissé quelque part. Oh Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Je t'aime. Jésus, tu n'as jamais expérimenté quelque chose avec Dieu et tu ne l'as pas dans ta vie. Ce matin, Dieu te tend la main alors que toutes tes têtes sont baissées, les yeux fermés. Si tu es ici ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux marcher à nouveau avec toi. Fais-moi seulement signe de la main là où tu te trouves. Ou bien peut-être tu es ici ce matin, tu es passé par beaucoup de choses. Non, je joue toujours le même chant. Je joue toujours le même chant. Ne change pas. Tu es peut-être ici. Tu te dis, je suis passé par beaucoup de choses et tu ne respectes même plus l'amour de Dieu. Tu ne crois même plus à Dieu. Et tu t'es totalement éloigné de lui. Ce matin, Dieu veut te donner un nouveau départ. Et si tu es également ce matin, lève la main là où tu te trouves. Je vois beaucoup de mains qui sont levées. Si tu fais la paix avec Dieu ce matin, tu veux dire, Jésus, je veux marcher avec toi à partir d'aujourd'hui. Je veux laisser toutes ces choses derrière moi. Parce que à un moment de ma vie, je t'ai laissé tomber à cause des difficultés. J'ai préféré retourner dans le monde à cause des choses qui étaient autour de moi. Mais aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Et si tu es ici ce matin, tu as levé la main. Viens vers moi, nous allons prier ensemble. Tu veux un nouveau départ ce matin. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent reprendre à zéro avec Christ. Si tu as levé la main, viens ce matin. Viens ce matin, nous allons prier ensemble. Si tu as levé la main ce matin, n'aie pas honte, ne regarde même pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, viens. Viens. Viens. Dieu veut te donner un nouveau départ. Ne regarde pas ton frère. Ce n'est pas lui qui t'a sauvé, c'est Dieu qui t'a sauvé. Ce n'est pas ton frère qui va te donner un nouveau départ aujourd'hui, mais c'est ton Dieu qui va te donner son nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Viens ce matin, Dieu te tend la main, Dieu te matin, Dieu te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Que Dieu vous bénisse ce matin d'avoir accepté l'invitation de Dieu. Et ce matin, j'aimerais bien qu'on puisse répéter cette prière ensemble. Ce n'est pas une prière magique, mais tout ce que je veux vous demander de faire ce matin, c'est d'inviter Dieu dans votre vie. Peut-être que vous avez essayé beaucoup de choses dans votre vie qui n'ont pas marché. Mais ce matin, je vous demande, essayez seulement Jésus, vous verrez. Acceptez seulement son amour ce matin, vous verrez. Est-ce pour répéter cette prière après moi ce matin? Dites Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Merci d'être venu sur la terre, mourir sur la croix pour moi, pour que je sois sauvé. À partir d'aujourd'hui, je veux te dire merci. Merci pour ton amour envers moi. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, tous les liens que j'ai tissés avec le diable, soit consciemment ou inconsciemment, je les détruis ce matin par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. J'ai un nouveau départ. J'ai de l'espoir. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour Seigneur, je veux te recommander tes enfants ce matin. Qui sont venus ce matin. Ils pouvaient être restés dans l'assemblée, mais ils sont venus ce matin pour t'accepter publiquement. Je prie, Seigneur, que tu les honores, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses prendre soin d'eux. Que leur vie, la vie que tu as réservée pour eux, le plan merveilleux que tu as réservé pour eux, commence à partir d'aujourd'hui. Qu'ils rentrent dans ton plan merveilleux. Qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie soit trempée dans le sang de l'agneau. Que l'ennemi n'ait plus accès à leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils restent fermes dans la chrétienté, qu'ils marchent avec toi jour et nuit. Je prie, Seigneur Dieu, que ta grâce poursuive leur vie, que tu leur accordes ta faveur, Seigneur Dieu, que tu leur accordes ton amour. Seigneur, merci infiniment pour ce que tu es en train de faire dans leur vie à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, avons prié et que tous les saints disent Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin? Amen.